déjà que et toutes les roses. Vie d'errance, au milieu des ronces. Gros, du coup, je m'arrose et je parle de choses qui dérangent. Quotidien morose, sidérant. Je connais bien mon rôle, les chocs me rossent et me rongent. C'est à coup de crosse si je les range. J'ai déjà semé la pagaille, condamné trop de failles. Je sais, j'ai tort des fois, mais seum et la bataille sont dans mon top 5. Monde infâme, où les beaux restent à l'appel femme. Frère, si j'ai si peur des flammes, c'est que j'en ai vu dans les yeux des belles femmes. Souvent, je rêve que mes cauchemars ne durent plus. Jamais ils ne cessent, je les compare lorsque je m'arme d'une plume. Ce qui m'entoure me donne envie de gerber à chaque brinque. Melon doucement des mots d'amour de berger à chaque prêle. Je m'affame, j'évite les rafales et les gousses. Dites à la joie que si je m'affale, elle pourra m'avaler les bourses. Trop de tension, schéma de vie tout bâclé. T'as le choix, attention, entre schéma de vie tout claqué. Moral dans le froid, je procède, mais à des soirs, je trop sec. Me pousse à croire que je possède, et tous mes soirs, je crochette. Y'aura de la casse, de la peine, et y'aura pas de gros chèque. Dans tous les cas, je m'en rappellerai la fois prochaine. Moral dans le froid, je procède, mais à des soirs, je trop sec. Me pousse à croire que je possède, et tous mes soirs, je crochette. Y'aura de la casse, de la peine, est-ce que ma voix projette. Dans tous les cas, je m'en rappelle. Et la fois prochaine. Une guitare qui tourne en rond, en cognant sec, je me l'approprie. Un condensé de ce mal trop cri, j'attends déjà la lune qui tarde. Je côtoie l'échec et mon télèque, vu qu'avec le vice qui me barricade. Je prétends qu'après de barricade comme toi, mais je sais qu'aimant des mecs. J'ai déjà tout ce que j'affectionne, si c'est mon heure, je m'arrête ici. C'est le bonheur que m'arrête une cible, superflu qu'on affectionne. Et je m'inspire de son brassesse à ferrage. Vis mon sat, vide mon sac, le rap auquel j'aspire, son brassesse à ferrage. Je traîne trop souvent dans la boue, faudrait que je m'affaire. Certains voudraient que je la ferme, rêvant que l'aiguille trop tombe la boucle. Je nagerai la tête hors de l'eau, qu'importe si la foudre tombe sur un océan d'outre-tombe. J'imagerai là le décor de l'aube et je vous dirai que tout va. Et même si c'est pas le cas, je suis comme un fou, direct tout va. Voyant les mêmes si c'est pas le cas, négatif face au bon, face au pire dans le déni. Mec actif dans le dénigre, je règle la rime face faux bon. Moral dans le froid, je procède, mais à des soirs, je trop sec. Me pousse à croire que je possède, et tous mes soirs, je crochette. Y'aura de la casse, de la peine, et y'aura pas de gros chèque. Dans tous les cas, je m'en rappellerai la fois prochaine. Moral dans le froid, je procède, mais à des soirs, je trop sec. Me pousse à croire que je possède, et tous mes soirs, je crochette. Y'aura de la casse, de la peine, est-ce que ma voix projette. Dans tous les cas, je m'en rappellerai la fois prochaine.